suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Radio Café, chronique française, une série d'Adrien Chevrier et Amélie Perrault réalisée par Gaël Gillon. Au départ de cette série, il y a l'envie d'aller tâter le terrain un an après le début du mouvement des Gilets jaunes pour susciter des rencontres, tendre le micro, le poser sur la table du bistrot et poser cette question en commençant à Commercy, comment vivez-vous ? Alors pour commencer, les personnages. Un homme sous son casque, une femme découragée, une autre qui s'accroche, des Gilets jaunes en assemblée, un homme à piaf, un autre qui a le sens de l'accueil et un tenancier de bar. Ensuite le décor. Un bar PMU, la Meuse et la Bruine, la politique, des entrepôts, des bobines, des pies, un champ, des arrêts maladie, des grèves, des licenciements, des ronds-points, des manifs et un burn-out. Aujourd'hui, premier épisode, petit point météo. Semble véritablement dans la catégorie où elle est la plus compétitive. Après, je trouve que 1,90€, 2€ maintenant, c'est cher payé. Oui. Parce qu'il y a des chevaux d'une certaine qualité. Oui. Et j'ai entendu il y a quelques instants que Isaac plaçait notamment Capharnaüm en pari prudent. Et c'est vrai que Capharnaüm descend de catégorie. Il a quand même d'autres références que Vandelogne. Est-ce que vous pouvez me dire un peu où on est là en ce moment? On est dans un bar là, qui s'appelle La Paix, qui est tenu par mon ami Kader. Voilà, on se retrouve en convivialité, on est bien quoi. Quel temps il fait? Sa Meuse. C'est-à-dire quoi? Sa Meuse, ça veut dire qu'il fait le temps de la Meuse quoi. Ici, les gens qui arrivent savent à quoi s'attendre. Ici, on n'a pas de temps, on a un microclimat, et quand ça meuse, ça meuse. Et du coup, c'est parce que généralement, quand on parle de microclimat, on en parle à l'envers, quoi. C'est le microclimat qui conserve le beau temps. Ici, c'est le contraire. Ah, ici, c'est le contraire, ici. Et puis, il faut de la flotte, il en faut, pour nourrir les champignons, surtout en ce moment, les cèpes. Donc, il faut y aller, là. Donc là, on est samedi combien ? Samedi 17 et il meuse. Bon, alors, est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite chronique météo, du coup ? Eh bien, il va pleuvioter encore, là. Il va pleuvioter, qu'on dit en Meuse, moi. Il va pleuvioter, brouillasser encore tout le week-end, jusqu'à lundi, puis après, ceci devrait redevenir à la normale, voilà. Tiens, Kader. Commercy, ouvriers et gilets jaunes. Ah, enfin, un billet de 5. Et ouais. Je suis préparateur de commandes dans Intermarché et je travaille dans la zone lourde. C'est-à-dire tout ce qui est croquettes pour chiens, lessive par 6, du bois enfilé là, ça doit être poulet parisien ça. La litière pour chat, il y a tout ce qui est lourd quoi. Donc quand j'ai fini ma journée, j'ai entre 8 et 11 tonnes dans les bras. Et voilà. Et maintenant, depuis 3 ans, on est passé à la prep vocale. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, on met un casque sur les oreilles et c'est un ordinateur qui nous commande. Un casque USB, c'est l'ordinateur qui nous dit ce qu'on doit faire pendant 7 heures. Je me lève à 2h30 du matin, je pars à 3h15, j'arrive vers 3h35, on boit un café, on s'équipe, on fait nos codes et c'est parti. On s'équipe, c'est-à-dire ? Avec nos casques et tout, quoi. On fait nos codes parce que chaque casque reconnaît, donc moi le mien, il reconnaît juste ma voix, il ne reconnaîtra pas la voix d'un autre. Chaque casque a son ouvrier. Donc tu t'équipes, tu mets ton casque et ensuite alors comment ça marche? Et après il y a un briefing à 4h12 et à 4h00 c'est parti jusqu'à 11h21. C'est pourquoi 11h21? Parce que vu qu'on travaille 7 heures, donc on a droit à 3 minutes de pause par heure. Donc 3 x 7, 21. C'est tout simple. Et qu'est-ce que tu entends dans ton casque alors ? J'entends que des chiffres et des couleurs. Aller dans l'allée 143, 217 verts, 3 colis. Donc j'arrive là où ils m'ont envoyé, à l'adresse qu'ils m'ont envoyé, et je prends 3 colis, puis après je continue comme ça. C'est quel genre de voix ? Elle ressemble à quoi cette voix ? C'est ou un mec ou une femme. Donc moi j'ai pris le mec parce que la femme je la comprenais pas trop. Donc, j'ai toujours été commandé par des hommes. Oh, le pire, c'est quand il dit répéter, répéter, répéter. Parce que des fois, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Si nous, on ne comprend pas, on dit toujours répéter. Donc, il répète. Et après, bon, on ne peut pas dire, parce que c'est comme ça, quoi. Voilà, et je monte mes palettes, et après, je les filme et je vais les mettre taquer. Puis après, je reprends une commande. Et hop, nouvelle commande. Et hop, voilà, jusqu'à ce que j'ai mon quota, mes 1050 colis. Vous êtes combien à travailler sur la base ? Avec les secrétaires et tout ? Maintenant, 250. Et avant, ils étaient 650. Voilà. Est-ce que tu aimes ton travail ? Non, mais il faut bien travailler. Est-ce qu'il y a d'autres bruits dans ton travail, à part les bruits que tu entends dans ton casque ? Oh mon Dieu, y a tous les engins qui tournent autour, hein. Les caristes et tout, quoi. Les autres qu'on croise. Oh, ça se croise, ça s'entrecroise. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'accidents, moi, dans le truc-là. Ouais. C'est la folie, quoi. 89 décibels, je crois, ou 85 décibels. Ouais. Est-ce que toi, tu te vois continuer à faire ce travail longtemps ? Non. Pourquoi non ? Parce que j'en ai marre. C'est toujours pareil, c'est vachement répétitif, hein. On sait, on arrive, on met notre casque, on fait nos 1050 colis, on rentre. Le lendemain, tu remets ton casque, tu vas faire tes 1050 colis, tu rentres. Voilà. Et des fois, on a un jour de repos la semaine pour travailler samedi, puisqu'on travaille le samedi matin aussi. Hein. On avait demandé à ce qu'ils annulent, mais ils veulent pas. Hein. Mettre plus la semaine et qu'ils nous foutent la paix le samedi, mais les magasins veulent être livrés le samedi, donc veulent être livrés le samedi, donc tant bien. Je peux te demander combien tu touches ? 1280 euros. On parlait de la France, d'accord, mais il y a pire que la France. Beaucoup pire. Hein. Oui, mais c'est comme ça que les gens se consolent en disant il y a pire ailleurs. Eh ben, oui. Moi, je me console pas. Moi qui comme me balade ça. Un peu partout, je vois bien. Hein. Je ne me bats pas, effectivement, pour le prochain moi, maire. Moi, je ne vois pas des gens mourir de faim. Le prochain député ou le prochain président. Je me bats pour que le système change à la base. Change fondamentalement. Mais il faut faire quoi ? Plus mettre des députés, plus de. Plus rien. Comment c'était après la révolution là. Comment c'était pouvoir, comment quand ils font des conneries, les fous dehors. Comment ça s'appelait après la révolution? Le tiers d'État? Non, comment je ne m'en rappelle plus. C'était pas. Il n'y avait pas de députés, c'était une assemblée. C'était la même chose. Les gilets jaunes, les rouges, les bleus. Il y a beaucoup trop de feignants, beaucoup de gens qui foutent rien. Ouais. Moi où j'habite, je paye 800 euros de loyer où j'habite. Et la fille qui habite en face, qui a deux gosses, je ne dis pas qu'elle ne mérite pas, hein, qui a deux gosses, elle paye 55 euros. Moi, je paye 800. Moi, ça me gonfle. Je ne suis pas faite pour faire ce boulot. Quoi. Pourquoi ça vous gonfle ? Bon, on n'avance pas, quoi. On n'avance absolument pas. Moi, je suis là pour faire avancer un petit point, là, important, mais un petit point. Alors, passer la matinée avec quelqu'un qui vous tient la jambe sans avoir la moindre intention de signer, mais simplement pour dire que la France, c'est bien. Enfin, moi, ça me déprime, de toute façon. Ce genre de contact me déprime, mais de toute façon, le genre de contact avec la population a l'art de me déprimer comme c'est pas permis. Je ne sais pas comment je tiens le coup. Hein. Je n'ai pas la vocation, normalement. Hein. et je râle, mais surtout je veux rien faire. Puis d'abord tout va bien, enfin ceux qui nous disent que tout va bien, enfin en niant carrément qu'il y a des gens qui crèvent de faim, personne ne crève de faim, tout le monde est soigné en France, voilà, enfin c'est ce qu'on dit. Voilà, et bien. Voilà, enfin les réflexions. Oui, ils n'ont qu'à travailler. On demande l'assistanat pratiquement, quoi. Donc ben voilà, donc je m'appelle Aurélie, 41 ans, mère de famille, j'ai un enfant. Donc voilà, et je travaille donc en usine, chez Bonduel, donc dans la salade. En quoi ça consiste précisément votre travail ? Alors là maintenant je suis conducteur de machine. Donc, je conduis rien du tout, hein, si à part la machine, non, je monte les bobines de film donc, et faire les réglages de peseuse donc, pour le poids des sachets. Donc on est sur du travail à la chaîne, bien sûr. Donc voilà. Donc il faut enchaîner tout le boulot, on va dire, et puis avancer le plus possible, quoi. Si vous deviez nous décrire un peu précisément le déroulé de vos journées, elle commence à quelle heure par exemple ? Alors je travaille en 2-8. Donc, soit je fais 5h-13h ou 13h-21h. Comment ça se passe ? Vous arrivez à 5h ? Non, je commence à 5h. Donc, voilà. Donc, on va dire que j'arrive entre 4h30 moins 20. Voilà. Temps d'aller fumer une cigarette, on va dire. Et voilà, après de monter. Puis c'est parti. Il y a quelle ambiance dans votre travail ? C'est pas toujours facile. Donc, on est un petit peu dans l'individualisme à l'heure actuelle, hein, je pense que c'est partout pareil et que voilà, donc c'est pas toujours simple. Et bon, un petit peu stressant aussi de par le travail à la chaîne, bon, qui essaye un petit peu maintenant de redescendre, on va dire, face à tous les accidents du travail. Donc maintenant, on est peut-être un tout petit peu moins poussé, on va dire. C'est stressant entre les gens ou c'est stressant par le travail en lui-même ? Les deux, les deux. Donc c'est pas toujours évident. Il y a des fois, quand on voit à l'heure actuelle où il y a beaucoup d'emplois aussi où ils ne sont pas embauchés, où il y a des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir essayer de rester ou pouvoir être embauché, quoi. Faire une pétition pour mettre en place le RIC, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On est anti-gilet jaune. Alors, ça n'a rien à voir déjà. Non, mais le avec un gilet jaune sur oui, le on gris. Est gilet jaune, oui, madame, mais l'article 3, c'est une pétition qui est mise en place depuis 2015, madame. C'est une association qui s'est constituée sur Internet. Ouais. Ce qui est politique. Mais bon, voilà, vous êtes contre le peuple. Contre la révolte. Non, plutôt. J'ai habité dans d'autres pays et croyez-moi, vous revenez en France, vous êtes content. Mais pour essayez ailleurs. Bah, venez avec nous en manif. Vous verrez aussi. Vous verrez les gens qui ne travaillent pas, qui touchent de l'argent sans travailler ailleurs. Ça se fait. Alors madame, voilà, je travaille. Voilà, bien souvent, c'est ça qui est bien dommage. On donne plus de 3000 euros d'impôts par an, madame. Mon mari travaille, je travaille aussi, madame. Non, mais j'étais dans le rouge tous les mois pendant 20 ans. Mais on n'est pas ah, mais il n'y a pas que les cassos. Dans la vie, vous aurez des pauvres, vous aurez des riches. Ah, mais ça, mais ça là, sera mais toujours, ça, on est ça ne changera mais pas. Mais ça, on est d'accord, madame. Est-ce que vous trouvez normal que les retraités que je vois régulièrement à l'heure actuelle, moi, je suis montée sur Nancy par mon fils. Les retraités, quand on sait, quand on va être en retraite, on ne gagnera pas ce que quand on a travaillé. Mais tout à fait, peut-être, certes. Mais d'où un retraité qui a travaillé toute sa vie commence à prendre un cabas pour aller faire les poubelles, pour aller se nourrir. Parce qu'il n'a pas prévu. Je ne suis pas d'accord. Mais non, mais il ne faut pas vouloir aller en vacances. Et surtout, vous savez, je suis toujours en vacances, je ne vais pas en vacances. Voilà. Mais moi, parce que vous adorez. Pendant 20 ans, je n'ai pas été en vacances. Mais moi, non, mais il a quand même fait des efforts. Ah, bah, il a fait semblant de faire des efforts. Ben voyons. Moi, j'étais dans le rouge tous les mois. Je mettais quand même à l'époque 20 francs de côté parce que je savais qu'un jour. Les gens ont de plus en plus de difficultés à se nourrir et dès l'instant que c'est pour se nourrir et je ne parle pas de loisir comme elle l'entendait, c'est juste pas normal, quoi. Ma complémentaire, 176 euros. Je ne sais pas si vous voulez la signer là ou sur Internet. Et ma retraite, 500 euros. Vous voulez. Ouais, non, mais c'est, voilà. Oui, c'est nous, c'est et j'ai nous. Travaillé depuis l'âge de 15 ans. Ben oui, voilà. Apprenti voilà. Plombier. Mais voilà, mais à part ça, les gens, il faut toujours travailler. À cause de quoi ? Parce que j'étais artisan puis Internet. Commerçant. Vous le ferez sur Internet. Ouais. Et malheureusement, c'est vrai que c'est des caisses qui ne... Mais bon, chaque voix compte, hein, il nous en faut 4 700 000. J'ai été en maladie, vous ne voulez pas me payer. Oui. Ils ont quand même payé. chez les enfoirés. Il faut. Après, on dit qu'on se révolte, mais il y a de quoi. On est obligé de se révolter. Il faut. Et le président, il ne fait rien pour nous, de toute façon. Ah, si, il est en vacances. Il est en vacances, là. Il est pour les riches, le président. Il est pour les riches et pas pour nous. C'est ça, eux, ils ont le droit. Ils ne regardent pas, ils regardent pas que les Français crèvent de faim. Ça, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Ils ne s'occupent, ils s'occupent pas des Français. Bien sûr. Ils s'occupent plus des étrangers que les Français. Voilà. Ah, excusez-nous. Eh ben, merci beaucoup, merci. Messieurs, dames. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Ah, ben là. Qu'est-ce que ça voudrait dire l'entraide, par exemple, dans votre travail à vous? Sur quoi est-ce qu'il faudrait s'aider? Bah, disons qu'il y a des fois où on peut avoir, par exemple, à l'emballage aussi les cartons qui puissent déconner et du coup avoir du mal à emballer et que du coup la table se remplisse beaucoup plus vite et aller à ce moment-là un petit peu dépoter derrière les cartons qui s'empilent sur l'empileur pour pouvoir un petit peu aider le temps que la situation se décoince. C'est un métier très physique que vous faites? Oui, quand même, oui. Oui. C'est quand même assez physique. C'est vraiment du travail à la chaîne, donc voilà, ça reste quand même assez intensif pendant 8 heures. Vous portez beaucoup? Oui, on porte quand même beaucoup de charges, oui. Oui. Je sais que, enfin, une moindre bobine, moi en tout cas quand je suis conducteur aussi, parce que bon, je suis assez polyvalente, donc une bobine pleine fait 20 kilos, donc voilà, avec une barre en ferraille qu'on repasse dedans, donc qui rajoute tout de suite ce genre de poids, je dirais au moins 5 kilos, donc voilà, on vient vite et on a deux machines à s'occuper, donc oui, on change les bobines régulièrement tout au long des 8 heures. Vous en voyez des conséquences sur votre corps? Oui, à force, oui. Donc, il y a forcément des petits problèmes de dos qui surviennent et aussi de discopathie aussi qui commence à arriver. Donc, mal dans les bras aussi qui s'ensuivent suite à la discopathie ou des choses comme ça. Voilà. Vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes de santé liés à votre travail? Oui, il n'y a pas longtemps. Donc, oui, je me suis fait mal le dos donc en portant un petit peu trop lourd. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai bloqué du dos et puis. Donc j'ai dû m'arrêter 4 jours avant de pouvoir reprendre. Donc du coup j'étais bien en arrêt, enfin pas en arrêt, en récupération d'heures pendant les 4 jours pour pas pénaliser. Voilà. Vous avez utilisé votre récupération plutôt que votre arrêt de travail? Oui, c'est ça. Donc voilà, peut-être un problème de conscience chez moi. J'ai pas voulu trop embêter et du coup je me suis mis en RH. Voilà, et puis mis en mi tout de suite, quoi. Vous sauriez dire pourquoi ça vous mettait plus à l'aise de faire ça? Peut-être que j'étais formatée comme ça depuis toute petite, je sais pas, j'ai jamais trop eu cette occasion en fait. Enfin, voilà, je suis pas du genre trop à me mettre en arrêt du coup et être plutôt à me sentir gênée, on va dire, je sais pas, je me sens mal à l'aise en fait, j'ai l'impression d'abuser. Ça vient d'où, vous pensez? Oh bah, je pense de l'éducation derrière. Enfin voilà, j'ai jamais vu mon père ni ma mère se mettre en arrêt et toujours aller au travail malgré qu'il puisse avoir des signaux, on va dire, de mal de dos ou autre. Enfin, je les ai toujours vus aller travailler malgré toute leur maladie, quoi. Oh, les hippies, elles y vont, là. Ah, t'as tous les oiseaux. Hein. Le train qui passe. J'ai l'impression d'être chez moi, là. C'est impressionnant, hein. Là, t'as des super bruits, là. Après, t'as les oiseaux qui se remettent en route. Même les petits pinsons, ça prend le son. Pourquoi c'est ça que t'as voulu enregistrer ? Bah, parce que j'adore, moi, le chant des oiseaux le matin. C'est impressionnant, quoi. C'est mon réveil matin, en fait. Ça change des coqs, hein. C'est des corbeaux, des tourterelles, des pies, des pinsons, des mésanges. C'est un son qui exorcise un peu les sons que tu entends autrement, autrement tous les matins. Ouais. Ça apaise. Ça apaise, ça, le chant des oiseaux. Attends. T'sais, j'ai élevé tellement d'oiseaux, moi, que moi, j'aime bien, moi. Parce que j'en ai élevé des oiseaux, hein. J'ai élevé des pies, des corneilles, des faucons cresserelles, des tourterelles. Quand j'étais petit, j'ai levé et tout, moi. On me suivait partout, après. C'était ma jeunesse. Comment ça, raconte un peu. Bah, ils me suivaient partout. Je les mettais sur mon épaule, ils bougeaient pas. Ou alors, je les appelais, ils venaient. C'était mes oiseaux, quoi. Parce que je les ai élevés depuis tout petit, j'allais les dénicher. On n'a pas le droit, mais bon. Moi, j'y allais quand même, quand j'étais petit. Et après, je les ai élevés, c'était moi la mère, quoi. Après, ils me suivaient partout. Tu leur donnais des noms et tout ça? Ah oui, hein. L'épi, c'était Jacotte. Alors, elle faisait cocotte, parce que je lui parlais tout le temps, elle faisait cocotte, parce que ça parle, à une pie, hein. C'est comme une corneille. Hein. Si on lui parle souvent, elle parle après. Elle faisait cocotte, cocotte. Jacotte, hop, elle savait, hein. Elle venait. Il y a que mon faucon, je n'ai jamais donné de nom à lui. Je l'appelais vrai con, moi, le faucon. C'est un vrai con, je disais. Alors, c'était un faucon, presque. C'est notre papa qui nous a ramené ici. Il travaillait ici à Tréflunion, à Commercy. Il est arrivé à quel moment et pourquoi ? Oh bah c'était après l'après-guerre, quand ils ont eu besoin, la France a eu besoin de main-d'œuvre. Donc il est arrivé à travailler à Tréflunion. Il a eu un contrat directement. C'était des contrats que la France envoyait directement au Maroc. Donc, ouais, il était tréfuleur. Et il est arrivé là, il a travaillé jusque sa retraite. Donc il est resté ici dans un camp célibataire. Il y avait des camps célibataires sur Commercy, là, à l'avenue des Forges. Il est resté là pendant une paire d'années. Donc il descendait nous voir tous les ans, une fois par an. Et puis après, c'était le rattachement familial. Il nous a fait venir en 80. Donc toi, au début des années 80, quand t'es arrivé, t'avais quel âge ? Moi, j'avais 6 ans quand je suis arrivé ici. Est-ce que tu te souviens première fois que tu as vu Commercy ? Ah oui, la première. La première fois, non, on arrivait de nuit, je me rappelle toujours, c'était à la gare à Lérouville. Ouais, non, je me rappellerai toujours de ça, ouais, un souvenir, ça m'a fait tout bizarre, parce que moi je suis né à la ville, à Fès, donc c'était mouvementé, il y avait du monde partout, et j'arrive à Commercy le matin, enfin de nuit, et le matin je me réveille, je me rappellerai toujours, je me réveille, et puis là je regarde par la fenêtre, et je vois personne. Je dis bravo. Les gens, ils sont où, quoi. Un calme total. Je me rappelle toujours, il y avait une dame à côté, parce qu'on habitait dans un HLM. Elle faisait, comment on appelle ça, siffler sa cocotte minute, là, tu sais, on enlevait les vapeurs. Et j'entendais que la cocotte minute. Je dis waouh, c'est un calme plat ici. Alors j'attendais que les gens sortent. Et à midi, en effet, c'est vrai qu'à midi, sortie d'usine. Ah bah là, c'était les Champs-Élysées. Hein. C'était la. T'avais des véhicules partout, c'était grand. Hein. Puis après, ça se calmait. Voilà, c'était comme ça. quand il y avait la sortie de l'entreprise, là, vous voyez, là, il y avait un parc à vélo et mobilette, là, il y avait peut-être, déjà nous, on était venus presque une centaine, hein. Alors, il y avait la sirène qui sonnait le matin, la sirène qui sortait pour la sortie, la rentrée, puis la ressortie le soir. C'était vraiment typique et c'était très la sortie d'usine était très et puis les gens de Commercy étaient réglés par rapport à cette sirène aussi et je me rappelle ça avait fait beaucoup de bruit quand ils l'ont arrêté les gens étaient un peu déboussolés par rapport à ça. On fabriquait du grillage, on fabriquait des pointes, on fabriquait de la chaîne, du treillis soudé, enfin il y avait un certain nombre de services et l'usine bossait très bien, vous voyez, la conciergerie, il y avait des gens qui travaillaient en 3-8, là maintenant il n'y a plus personne. Voilà, bon l'entreprise a perdu, ils ont vendu par morceaux des productions et puis... j'ai quitté l'entreprise en 2010. Là. C'était mon local là-haut. Voilà. Alors, j'étais délégué CGT pendant des années. Et voilà, on a mené beaucoup de luttes hein, quand même dans cette entreprise. On y a gagné beaucoup de choses. Mais il y a eu des batailles où on a gagné des acquis sociaux, où les gens étaient très mobilisés. On a fait des fois des... 15 jours, 3 semaines de grève. Hein. Je me rappelle au début, je suis arrivé dans l'entreprise au 71, je crois que ça a été ma première grève. J'étais là, je me rappellerai, c'est le jour que j'adhère à la CGT. Et là, on a fait plus de 15 jours de grève et on a gagné quand même le 13e mois, les primes de retraite, de médailles de départ, tout ça. Enfin, des trucs très importants et qui étaient vraiment intéressants, quoi. On a mené pas mal de combats. Après, à partir de 80, quand je commençais un petit peu à licencier, là, ça a été plus dur parce que tous les mois, ils affichaient une liste de noms d'une quinzaine de personnes qui allaient être licenciées, quoi, qui partaient dans le truc de reconversion. Mais à la fin, au bout de 2 ans, vous étiez licencié si vous n'aviez pas de... Alors, tout le monde avait donné ce surnom un petit peu à la liste. Là, tout le monde attendait la charrette à ce moment-là et tout le monde tremblait un peu, quoi. Et puis un coup, je me suis retrouvé dans la charrette aussi. Déjà, dans les premières, ils ont déjà décapité tout notre syndicat à l'époque, la CGT, et les autres syndicats n'ont pas été trop touchés. Et ça a été des moments très durs pour moi, puis pour beaucoup d'autres. Hein, faut pas. Des fois, nous, on appelait à débrayer tout ça parce qu'il y arrivait cette charrette-là. Et puis, les gens avaient tellement peur aussi que même ceux qui étaient sur la liste, jusqu'au dernier jour, ils espéraient. Mais bon, ça se terminait toujours. Voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont jamais retrouvé de travail. Et puis, ça a été une période très, très dure. Tout à l'heure en parlant des combats qu'aujourd'hui les gens voulaient plus se battre. C'est pas ça que je voulais vraiment vous lui dire. C'est pas que les gens veulent pas se battre. Moi je pense qu'il y a une peur de la situation sociale et économique. Tout le monde a peur un peu de perdre son travail et je crois que c'est ce qui fait que les gens se mobilisent pas. Ils comptent un peu sur les autres. Parce que bon, bien souvent, quand je discute avec les gens, c'est vrai que 30 ans ou 40 ans en arrière, on faisait ça, pour une raison ou pour une autre, et les gens débrayaient, ils s'intéressaient à la bataille, et puis par rapport à ce qu'on pouvait gagner, à ce qu'avoir pour les salaires, beaucoup d'avantages, quoi. Mais je pense, moi, plutôt que c'est vraiment une peur Les gens ont peur de perdre leur travail et je crois que c'est surtout ça qui les empêche un petit peu de... Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ça finira par... La corde finira par casser un de ces jours, de toute façon. Ok. Yes. Yes. Tu es ici au café, tu es en vacances en ce moment. C'est peut-être aussi pour ça qu'on t'y a vu. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Je suis pas en vacances. Je vais vous le dire franchement. J'ai pété un câble, ça va faire 4 mois. J'ai fait un burn-out. Et je reprends lundi 26. Tu appréhendes le retour là ou... Ah non. tu veux que j'appréhende quoi? Bah non, si tu dis que tu as fait un burn-out il y a 4 mois et que tu reprends lundi, on peut penser que... Eh bah, je vais reprendre là, voir. Et puis si ça se passe mal, bah, je recommence. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois? Bah, j'en avais marre d'entendre l'autre dans mon casque. Puis j'ai pété un câble. Il y avait plein de manquants, il n'y a rien qui se faisait. Donc après, s'il y a des manquants, donc tu ne peux pas faire ton quota, ils viennent te voir, ton quota n'est pas fait, nanana. Donc j'ai pris le casque, j'ai envoyé voler, puis je suis parti. Ça veut dire quoi, j'ai pété un câble? Ça a fait tilt dans ma tête, j'ai dit, hop, fous le camp chez le médecin, au revoir. Puis voilà, je suis arrivé chez mon médecin traitant, tout de suite. Hein. Je me dis, je te mets déjà un mois, puis après on verra. Précisément le médecin elle connaît très bien les conditions de travail d'abord, donc elle sait comment ça se passe. Je dois pas être le seul chez elle, je pense. Il y en a beaucoup hein, qui s'en vont. Tout ça. Des embauchés. Hein. Et c'était quoi ce que tu ressentais? C'est une très grande fatigue? C'était comment tu te sentais? Non, c'était le ras-le-bol, de faire toujours les mêmes gestes. Et puis voilà. Et puis cette voix, tu dis... Elle siffle encore au bout d'une heure dans ton oreille. Hein. Je suis rentré pendant une heure, c'est encore... Une heure après la fin, tu continues à entendre la voix de ce mec. Et au début de la nuit, je rêvais et je disais répéter, hein, et tout le bordel. Hein. On est complètement... Dans ton sommeil, tu disais répéter. Ouais, je disais répéter, ouais. Elle me l'a dit, moi. Elle me dit, tu dis... Elle me dirait bord de dire répéter la nuit. Répéter. Et donc ce médecin du travail là qui t'a fait une... Non, c'est pas le médecin du travail, c'est mon médecin traitant. Ah, ton médecin traitant. Et t'as eu une autorisation de sortie de jour là? J'ai le droit de sortir. C'est pour ça que je suis sorti qu'à partir de 11h. Là. Parce qu'en fait maintenant ils te mettent des arrêts de 9 à 11 et de 14 à 16, c'est des heures où tu dois être chez toi. Et de 9 à 11, de 14 à 16, j'ai pas le droit de sortir, c'est là que je peux avoir un contrôle. Et j'en ai déjà vu un. Ils ont payé 250 euros pour m'envoyer un médecin chez moi, voir si j'étais là. Et il me téléphone, il me fait, vous n'êtes pas chez vous. Je dis, je peux pas être en train de passer un scanner et puis être chez moi. Donc j'ai fait faire un papier à l'hôpital à Toul pour redonner à la boîte, pour prouver que j'étais bien en train de passer un scanner. Ils se frottaient déjà les mains, mais non. Comment ils ont réagi, la base, quand ils ont su que tu avais fait un burn-out? Ils ne réagissent pas. Hein. Il y en a tellement... Oh, je suis pas le seul là-dedans. Vous êtes combien? Oh, oui. Tu saurais dire combien? Oh non, mais je sais qu'il y en a, ils sont en arrêt, ça va faire 2 ans. 2, 3 ans. Sans arrêt. Il y a des grèves sur le site de temps en temps ou... Il y en a eu une grosse dans les années 80, ils en avaient parlé sur FR3 et tout. Vous n'êtes pas au courant de ça? Dans les années 80? Ah oui! Ça renvoie à 40 ans ça. Et il faut retourner vers 86 ou 87. Oh là, ils avaient bloqué tout le site. Et depuis rien? Parce que les si, ah oh, si, il y en a toujours des grèves. Dès que les délégués disent grève, on bloque. Hein. Toi, t'es syndiqué? Ah oui. Il faut. La dernière fois que vous avez fait grève, c'était quand et pourquoi? L'année dernière, parce qu'ils voulaient virer des gens qui n'avaient pas lieu de mettre à la porte. Donc on a bloqué tout le site. Comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que ça a marché? Ça a duré 3 heures. Après, la direction est descendue, bien sûr. Hein, le directeur, la RH, tout ça, ils sont venus nous voir. Et ils nous ont expliqué le pourquoi du comment. En fait, parce qu'on ne se voit pas tous là-dedans. Mais bon, c'était des gens qui n'arrivaient plus à faire le quota. Donc ça ne servait plus à rien qu'il reste là, quoi. Donc voilà. Donc ils ont été virés. C'est quoi ta définition du travail? C'est la santé. Le travail, c'est la santé. Et donc là, t'en as envie? Voilà. Moi, j'allais y aller, là. Et le prêtre, il est d'accord? Je m'en fous. Peut-être qu'il aime bien en fait. Hein. Peut-être parce que j'avais vu me dire arrête. Alors. On rentre dans l'église. réponses, baisse le son, parce que là, ça va claquer. Tu entends ce... Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Fait du bien. Tu vois, là, je me sens bien. Je me sens zen, là. Voilà. La maison du Seigneur, ça. T'es croyant ? Ah, pratiquant. Quand je suis né, les sages-femmes ont dit à ma mère que je finirais curé. Parce que je suis né la tête en premier, comme ça, mais je suis né les yeux vers le ciel tout de suite, moi. Les yeux ouverts. Mais tu vas quand même à la messe tous les dimanches ? J'y vais pas tous les dimanches, mais quand j'ai envie... Non, je viens tout seul ici, moi. Je viens me recueillir, je peux rester là pendant une heure. Je réfléchis à tout, puis je chante, et puis... Il y a des fois, il y a des gens que je ne vois pas. Et je chante comme un cinglé, moi. Et les gens me regardent comme ça, ils disent, mais il est fou. C'est le lieu de l'église que t'aimes bien ? C'est... J'adore cet endroit, moi. Puis ce... Ah, j'adore ça. L'écho ? Ah oui, j'adore ça. Et retour au café. Syndiqués au sein de l'usine ou assez peu ? Comment fonctionne la représentation syndicale au sein de cette usine ? Alors, on a deux syndicats dans l'usine. Donc, on a CGT et CFDT. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent forcément quand il y a des actions à faire, on va dire. Est-ce que vous êtes syndiqué ? Je l'étais, mais j'ai démissionné. Pourquoi ? Parce que face au mouvement des Gilets jaunes, où je trouve que les syndicats auraient pu bouger, ils n'ont pas bougé du tout. Et du coup, j'ai dit je démissionne. Voilà, par principe. Qu'est-ce que vous leur reprochez précisément ? C'était vraiment un mouvement à prendre où tout le monde aurait dû s'allier et pas essayer de faire sa sauce chacun de son côté, quoi. Aujourd'hui, le monde ouvrier, à quoi ça correspond à votre avis ? Je pense que ça a été cassé. Mais je pense que voilà, la solidarité, même entre les ouvriers, n'existe plus, à mon sens, depuis une paire d'années. Je pense que la direction a bien contribué à un moment donné, la direction où tout ce monde même de rendement et de productivité a créé ces tensions ou a divisé pour mieux régner, à mon sens. Où ils se rendent compte peut-être de leurs erreurs à l'heure actuelle, parce que donc on essaye de recréer des liens à l'heure actuelle, donc en créant des barbecues au travers de l'usine, à essayer de créer des échanges sur une journée pour essayer de réconcilier les gens, je pense. Vous dites ça avec un peu de cynisme. Je pense qu'ils n'ont pas le choix à l'heure actuelle que de refaire marche arrière et de voir à quel point aussi la solidarité pouvait apporter au sein même de l'usine. Hein. L'entraide aussi apporte, je pense, quelque chose pour l'employeur aussi. Alors moi, je suis opérateur de production en chimie, dans une société américaine, un groupe américain. dans une usine qui est à 15 km de Commercy à peu près. Mais du coup, ça consiste en quoi concrètement ton travail au jour le jour ? Alors, à décharger des matières premières. Ça va être du solvant aromatique, ça va être de la soude, de l'ammoniac, du phénol, du benzène, du SO3, du sulfon, du soufre, des alcools gras, des acides. Tu disais de Karine qu'elle galère dans son travail. Pourquoi tu penses que c'est le cas ? Parce que c'est des gens qui sont aux soins des personnes qui sont en détresse médicale et que je pense qu'ils sont exploités, je pense. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'a plus de personnel. On n'a pas de personnel. On nous restreint sur beaucoup de choses, budgétairement parlant. Sur plein de choses, quoi. Les lits, les personnes sont de plus en plus dépendants. Ils arrivent de plus en plus tard. 90 ans, donc ça demande beaucoup plus de travail. Des arrêts maladie à répétition parce que les filles ou enfin le personnel, on est épuisé psychologiquement et physiquement, qui ne sont pas remplacés. Donc ouais, ça devient une catastrophe, quoi. En sachant que dû au manque de personnel qu'on a, faut savoir qu'ils ont le droit à une douche par semaine quand même. Depuis qu'on est arrivé ici, on a aussi entendu des gens nous dire que c'était pas tout le temps facile la vie ici. Et on a aussi rencontré des gens qui sont mobilisés cette année. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux ici à Commercy. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, j'ai fait le premier mouvement, donc c'était le 17 novembre, il me semble, des Gilets jaunes. Alors, comment je pourrais dire, au départ, dans ce mouvement, c'était des gens qui bossaient, c'est des gens qui en voulaient, on se battait pour une bonne cause, et après, c'est parti en soupe populaire. C'est ni queue ni tête, quoi. C'était... ça ne m'intéressait plus, quoi. C'était plus ce qu'on avait construit au départ. Parce que nous, on bloquait les stations essence. Bref, chacun fait ce qu'il veut, mais de rester sur une place Charles de Gaulle toute la journée, ça n'empêchait rien, quoi. Ça n'empêchait pas d'aller chercher du gasoil, ça n'empêchait pas de bloquer les banques, les impôts. C'est ça qu'on voulait faire au départ. Donc ils sont restés sur la place Charles de Gaulle toute la journée, donc moi j'ai arrêté. Puis je travaille, donc je pouvais pas me permettre de rester toute la journée sur la place Charles de Gaulle. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. Est-ce que vous votez ? J'ai oui. Oui. Alors pour qui vous votez quand vous votez ? Ça, je le garde pour moi. Alors moi, par contre, je vais répondre. Moi, je votais extrême droite. Sauf que je m'aperçois que ça soit gauche, droite, au-dessus, en dessous, c'est les mêmes personnes. Que la place est très chère, est très bonne à prendre. Que c'est que pour leur avantage. Donc maintenant, je ne vote plus. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du mouvement des Gilets jaunes ? Pas grand-chose, parce que il y a eu trop de casseurs. S'il n'y avait eu que les Gilets jaunes, mais il y en a qui en ont profité et qui ont sali les Gilets jaunes. S'il n'y avait eu que, il y en a toujours qui viennent et qui foutent la merde, quoi. Qui cassent les vitrines, les machins. Ça apporte quoi, ça ? Brûle les voitures, qui empêche les gens d'aller au boulot, quoi, en fait. Ils leur brûlent leur outil de travail. C'est intelligent, ça ? Mais tu les as soutenus, toi ? T'as été Gilets jaunes ou... Ceux qui étaient à Commercy, là, je leur emmenais des petits pains au chocolat, des croissants, je faisais mon geste à moi, quoi. Ils étaient en train de se geler, là, enfin, pas en train de se geler, mais le matin de bonne heure, je leur emmenais... Je prenais deux gros sacs avec 20 pains au chocolat, 20 croissants, et ils tenaient, les gars. Ils étaient contents. Manifester, pour toi, ça sert à quelque chose ? Sans violence, oui. Avec violence, non. Oh. Voter, ça sert à quelque chose ? Oui. Il y a des gens qui sont battus pour le droit de vote. Et ça, je l'oublierai jamais. Tu votes à toutes les élections ? Toujours. Ouais. Tu peux te demander pour qui tu votes ? Non. Et des fois, ça n'a pas y passé. Mais à chaque fois, c'est tombé à l'eau. Là, je sais pas si tu sais vraiment qui est notre président de la République. Là, si, tu le sais quand même, Macron. Ils pensent à qui? Aux petits ou aux grands? Attends. On prend aux petits pour donner aux gros. Peut-être arrêter, toi. Ils tapent sur les retraites des pauvres gens qui ont travaillé toute leur vie. Non, mais... Non, faut arrêter ça. Je comprends même pas qu'ils soient pas plus méchants ici. Voilà, je suis d'origine italienne. Hein. Je suis un immigré italien. Je suis arrivé en France, j'avais 6 ans et demi avec ma famille, ma mère, mon père, ma sœur. Et voilà, ben c'est ça, j'ai un truc, quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que cette entreprise, à l'époque, embauchait beaucoup d'étrangers. Hein. Je vous rappelle, dans le premier atelier où je suis arrivé, on fabriquait le treillis soudé, il y avait à peu près 150 ou 200 personnes dans cet atelier, là, travaillant 3-8. Alors c'était italien, espagnol, portugais, tunisien, algérien, marocain. Et il y avait une entente cordiale inimaginable, une amitié, une solidarité. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe par rapport justement à l'immigration et tout, je vous le dis franchement, ça me donne un peu envie de vomir. Mais j'ai connu cette période de racisme et tout, à l'école et tout, en étant gamin, ça fait très mal. Je regardais tout à l'heure Facebook, là, il y en a un qui montrait une porte et c'était marqué « Interdit aux chiens et aux Italiens ». Ça m'a rappelé un certain nombre de choses et ça fait mal au cœur, ça. Ça fait mal au cœur. Quand on voit qu'on laisse pourrir des gens comme ça sur des bateaux, là, c'est inhumain. Inhumain, c'est vraiment... Là... En plus, ils arrivent dans mon pays, là, au fin fond de l'Italie, là, ils sont traités comme des... Enfin, comme des chiens. Il y a quand même des gens qui les aident quand même. Mais bon, les gouvernements devraient avoir honte de ce qui se passe là. C'est lamentable de laisser les gens dans des situations pareilles. Toutes les personnes qui travaillaient ici, dont vous parliez, est-ce qu'elles sont restées ici aujourd'hui pour la plupart? Eh ben justement, à l'époque où il y a eu ces charrettes de licenciement, on a proposé à beaucoup de repartir au pays, quoi. Et il y en a pas mal qui sont repartis quand même. J'avais un petit pécule, quoi. Voilà. Et puis, il y en a pas mal qui sont repartis. Ouais, je me rappelle qu'à l'époque, on avait fait, au niveau syndical, on avait fait des petits pots, tout ça, pour fêter leur départ. Enfin, fêter leur départ. Leur montrer quand même notre amitié, tout ça. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe par rapport à l'immigration aujourd'hui, et cette époque-là, franchement, comment on a pu arriver à cette situation-là, quoi. C'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. Ici, dans ton bar, nous, on rencontre des gens qui votent très différemment les uns des autres. Toi, venant du Maroc, est-ce qu'ici, à Commercy, ça a déjà été une difficulté? Quand j'entends souvent Front National, ainsi de suite, ça me... voilà. Et je les laisse parler. Après, chacun est libre de voter ce qu'il veut. Mais des fois, voilà. Donc quand on discute avec, je leur dis, bah attendez, vous êtes chez moi, ainsi de suite, vous votez le Front National. Ah bah oui, mais toi, c'est pas pareil. Bon, c'est une phrase que j'entends depuis l'âge de 6 ans, quoi, ça. Non, c'est parce que les gens, voilà, c'est un ras-le-bol qu'ils ont, c'est un ras-le-bol. Après, bon bah voilà, c'est ce... Vous savez, pour Gilets jaunes... non, il faut être balèze hein, pour manifester tous les jours. Hein. Faut avoir les reins solides. Mais bon, les gens, ils ont besoin de manger. Après, ils sont obligés d'aller travailler. Donc, il y a un moment, c'est sûr que l'État l'est gagné. C'est normal. C'est à l'usure. C'est avec le temps. Mais les gens, il faut qu'ils mangent. C'est obligé. Donc, ils sont obligés d'aller retourner travailler. Après, si tu bloques un pays complet pendant un mois, mais là, les gens, ils pourront pas. Ils ont tellement de crédits sur le dos, ainsi de suite. Faut qu'ils payent. Faut qu'ils payent tout. Donc, ils sont obligés d'aller travailler. Donc, l'État, à un moment, à un autre, gagne. De toute façon, ils arrivent à les avoir à l'usure, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Mais non, on a tous un petit côté gilet jaune en nous. Puis il en faut. Bon, on commence alors. À l'ombre au soleil déjà, c'est toi qui décide, il a dit. Ah, c'est moi qui décide à l'ombre au soleil. L'ombre au soleil. Des micros. Qui est pour rester au soleil, qui est pour aller à l'ombre? Alors, qui pourrait rester au soleil déjà? Qui est neutre? Il y en a beaucoup de neutres, je crois. Bon, bah, va à l'ombre alors. Bon, on va long. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, on peut pointer. Allez, premier point. Ah, merci. Merci. Ah, bon. Jacques, il est en train de mettre tous les banderoles. Premier point, les lundis jaunes. Je crois que c'est Banou qui s'occupe du point chômage. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que le mouvement des Gilets jaunes s'est terminé? Je leur dis que non, donc c'est dur, c'est pas facile, qu'on se bat pas depuis 9 mois pour rien, et que pour moi, pour l'instant, tant qu'il y aura encore un tout petit peu de monde, et ben, il y aura toujours de l'espoir, donc il faut continuer. Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a rien produit, ça n'a rien créé? Pour moi, ce qu'il a apporté de plus important, alors même s'il y a eu quelques miettes de gagné, mais je pense qu'il a surtout réappris aux gens à se parler, à communiquer, à créer des liens et à se rendre compte aussi qu'on n'était pas forcément tout seul chez soi aussi. Vous parlez à travers ce mouvement du fait de se battre, du combat. Est-ce qu'il y a eu un moment cette année pour vous représentatif de ça? Oui, je me suis retrouvée à Paris le 16 mars à la manifestation. Et là, on se serait vraiment cru en guerre ou réellement. Enfin, pour moi, voilà. Donc, les gens ont vu que la casse et que les gens, on va dire, excités, peut-être. On était gazés, tout. On n'arrivait même plus à respirer tellement l'air était saturé de gaz. Donc, on a vraiment. Je dirais enfermer les gens sur les Champs-Élysées jusqu'à créer un mouvement, je pense aussi peut-être de panique chez certains. Moi, ce que j'ai vécu derrière dans ce mouvement, c'était qu'on nous empêchait carrément de sortir de la manifestation. Julie, Aurélie. Allez, c'est parti. Donc le document, donc au nom de la cohésion sociale, on maintient dans une souffrance irréversible des masses sacrifiées. Entre parenthèses, Foresteur dans l'horreur économique. On a tous dans nos relations des gens qui ne peuvent accéder au monde du travail. Des amis, des parents, des voisins, qui dès lors végètent dans le désespoir. Non, être chômeur ou assisté ne sont pas des choix. Le capitalisme a besoin de ces millions de personnes pour entretenir des mythes de pauvreté et de précarité, de soi-disant feignants. Il y a des gens que vous avez rencontrés par ce mouvement qui vous ont fait prendre conscience de choses que vous connaissiez pas? Ben justement, donc j'ai découvert aussi quelqu'un qui s'est séparé et qui s'est retrouvé donc sans permis et vite en attendant de retrouver un emploi dans la précarité et qui du coup n'arrivait pas à manger tous les jours, quoi. C'est quand même une honte à l'heure actuelle de ne pas pouvoir manger à sa faim un minimum tous les jours, quoi. Qu'est-ce que vous vous disiez avant? C'est vrai que dès qu'on voyait des gens qui ne bougeaient pas ou qui n'allaient pas travailler, tout de suite, c'était à dire que soyons honnêtes en disant le mot cas sociaux, comme il y en a beaucoup qui le disent. Et alors qu'en fait, derrière ça, il peut y avoir énormément de choses qui font que les gens ne puissent pas aller travailler aussi. Quoi. On en parle à la fin. D'accord. Allez, point suivant. Hop. Radio Café, un documentaire d'Amélie Perrault et Adrien Chevrier, réalisé par Gaël Gillon. Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Benjamin Vignal. Merci à Kader Badawi, du Café de la Paix de Commercy. Et à Pierre Briot, Patrice et Karine, Franck Cotentin, Aurélie Dorlan, Gérard Landau, Ida Rudéral. Et merci à tous les habitants de Commercy qui ont participé à l'émission. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la Meuse, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, Monoblet, route des Cévennes. Mais en attendant, restez à l'écoute.